Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salahuddin al-Haïti, Salahuddin l'Haïtien, pour faire court. Je vous parle aujourd'hui, Inch'Allah, de l'intervention des soldats français au Mali et de l'état actuel de l'homme, Inch'Allah, selon mon point de vue, car je le rappelle, on me le reproche au vent, qu'il m'arrive de me tromper et de revenir sur mes avis, mais qu'à cela ne plaît, je ne suis qu'un homme, un être humain, et je fais des erreurs comme tout le monde, et le fait de les reconnaître est une sagesse. À ce que je sache, je ne suis pas le prophète des statues, c'est la meilleure des hommes, qui fut, et je suis à des années-lumière d'être ce qu'il était. Bref, passons et revenons au sujet de base qui est le Mali, l'intervention de la France, l'armée du Djihad, les soldats du Tarout. Ces soldats du Tarout qui n'interviennent que pour trois raisons qui sont les suivantes. Premièrement, s'emparer des richesses du pays et assurer l'approvisionnement en matières premières, car contrairement à ce que beaucoup de noirs lobotomisés pensent, l'Afrique a bel et bien ses richesses sur lesquelles leurs maîtres les cherchaient à imiter tant bien que mal en faisant des défrisages, des teintures, des crêtes. Leurs maîtres se sont bâtis sur les richesses de l'Afrique. Car on le sait très bien, la France n'a aucune richesse. Elle ne s'est bâtie qu'en pillant. Bref, ces richesses sont en grande quantité le charbon, le pétrole, l'or, le diamant, le fer, le zinc, mais aussi l'argile, le soufre et le sel. Deuxièmement, augmenter la puissance et leur prestige auprès de la nation pour mieux les tromper. Et troisièmement, répandre une religion qui est la leur, la religion de la démocratie. La démocratie qui n'est autre que la religion de la débauche, la religion du couffre, de l'impudeur, de l'alcool, de l'homosexualité, la religion de tout ce qu'Allah a maudit et interdit. Voir le Mali gouverné par les lois d'Allah, la charia divine, est en fait une de leurs plus grandes hantises. Je m'explique, ils verraient là en fait leur pire cauchemar. Leur pire cauchemar qui est quoi? Leur pire cauchemar qui est le retour du califat islamique. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, le 3 mars 1924, le califat fut aboli. Le califat de l'Empire Ottoman était si puissant qu'il faisait trembler le Tarout, et pour cela il n'y aurait pas d'autre solution que d'élaborer un stratagème afin de faire tomber le khilafat. Pour faire ce sale boulot, ils envoyèrent Kemal Mustafa et qui est Atatürk, qui était en réalité un pur sioniste infiltré en Turquie pour mettre fin au califat et instaurer une soi-disant démocratie à l'occidentale. On comprend mieux pourquoi d'ailleurs aujourd'hui il est tant adoré des politiciens occidentaux. Et voilà pourquoi en fait ils ne veulent pas laisser se faire un état islamique en Afrique, notamment au Mali, car le but des mécréants, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris, est bel et bien de maintenir l'Afrique la tête sous l'eau. Un exemple très simple, Muammar al-Khadhafi, même si c'est quelqu'un qui est d'un point de vue islamique avec lequel je suis en désaccord total et que je désavoue, il a au moins eu le mérite d'avoir osé prendre l'initiative de refuser le dollar et l'euro et a appelé les nations arabes à utiliser une nouvelle monnaie à leur place, le dinar or. Il a suggéré d'établir un continent africain unifié dont les 200 millions d'habitants seraient unifiés par une seule et même monnaie. Et cette initiative, comme vous pouvez l'imaginer, elle a été très très mal vue par les USA et l'Europe. Et le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, a commencé à dire que la Libye était une menace financière pour l'humanité, la France, tout ce genre de propagande. Quoi. Pour avoir dit non au Tarout, ils l'ont assassiné, subhanallah. Comme quoi, même les mécréants, ils reprochent aux Moudjahidines de se tuer entre eux, mais entre Tarout, ils ne font pas mieux. Donc j'appelle les mécréants à ce qu'ils laissent l'Afrique sous le règne du califat islamique, s'ils sont véridiques sur le fait que leur puissance dépasse de loin la nôtre. Car vous aurez remarqué, ils aiment s'enorgueillir, s'en vanter, à nous dire que oui, nous on a l'arme nucléaire, on a des drones, des armes de destruction massive. D'accord, mais alors dans ce cas qu'il laisse juste l'Afrique se développer par elle-même, sous l'ombre du califat islamique, se développer, développer elle-même son économie, ses richesses. Mais subhanallah, ils le savent très bien ce qui les attend. Mais ils sont trop orgueilleux pour se l'avouer. Mais si un jour l'Afrique règne sous l'ombre du califat islamique, les grandes puissances aujourd'hui déclarées nous. Je pense, Inch'Allah, qu'on sera en état de d'y faire face, Inch'Allah. Mais ce qui s'est passé entre temps, c'est que les migrants ont trouvé le moyen de nous canaliser, de nous diviser, et malheureusement ça marche. Car d'un côté on a les, je n'aime pas ce terme, mais on a les musulmans laïcs modérés qui nous diront que qu'il faut s'adapter, qu'on est chez eux, que ceci n'est pas le djihad, ceci n'est pas les martyrs, ceci n'est pas l'islam, en gros, ils vont jusqu'à dire ça. Et d'un côté, on a les autres qui sont pro-talibans, pro-moudjahidines. Mais ce qui se passe, c'est que le temps qu'on a perdu avec ces débats inutiles, c'est qu'on est arrivé dans cette période d'humiliation à laquelle le prophète Ali Sato Sem nous a préparé et nous l'a annoncé. Car je cite le messager, bénédiction et salut sur lui, s'adressant un jour à ses compagnons, leur prédisant la situation à laquelle sera exposée la nation musulmane d'aujourd'hui. Je cite, selon la traduction, viendra le jour où les nations s'acharneront sur vous, tels les affamés qui se jettent sur un festin. Les compagnons leur répondirent, et pourquoi, ô messager de Dieu, serions-nous minoritaires ? Leur répondirent, non, au contraire, vous serez nombreux, mais tels les écumes des vagues, c'est-à-dire divisés. Les compagnons poursuivirent afin de savoir les raisons de cette faiblesse, de ce déclin. Le prophète continua son discours en leur précisant que c'est le fait d'être trop imprégné de la vie, au point de refuser de la perdre un jour. L'enseignement extrait de ce hadith est le fait que les musulmans se soient attachés à la vie qui les a poussés à renoncer à leurs principes fondamentaux. Dans le hadith, le messager Mohammed fait la corrélation entre les faiblesses et l'humiliation que connaîtront les musulmans. Par ailleurs, ce qui se produit actuellement de nos jours, la communauté musulmane non seulement sera privée de stabilité, comme c'est le cas dans beaucoup de pays qui sont laminés par les tumultes qui les priveront de toute perspective de développement et de sécurité, mais aussi qui les réduiront à des suggestions sans précédent. Regardez juste ce qu'ils ont fait subir à nos sœurs en Occident, l'humiliation qu'elles ont subie. Ils ont raison du niqab, du sitar, et maintenant ils se posent la question si oui ou non elles pourront porter le hijab dans certains emplois qui l'autorisent encore. Je pense qu'aujourd'hui on a trop oublié que le monde appartient à Allah, le créateur de l'univers, de toute chose, de tout être. Il doit être gouverné par ses lois et non celles des hommes. On est musulmans, on est la meilleure communauté parmi les communautés. C'est le prophète Ali Sato Sem qui nous l'a dit. La loi d'Allah passe avant celle des hommes. Les laïcars me diront qu'il faut s'adapter, qu'on est chez eux et tout ça. Mais Allah a créé la terre et sa législation est faite pour être appliquée partout. Il n'y a pas à discuter si oui ou non il y a divergence. Cette terre doit donner sous la législation d'Allah. Les gens doivent comprendre que l'islam est le dernier rempart face au nouvel ordre mondial, face au mondialisme qui monte de plus en plus. Et les gens doivent le comprendre, à moins d'être complètement imbu de réflexion et de conscience. Donc voilà, je voulais juste revenir sur certains points qui me tenaient à cœur. Et dont j'avais besoin de parler. Et je vous appelle à surtout pas oublier ceux qui ont quitté le confort, leur famille, leurs femmes, leurs enfants pour rejoindre l'armée d'Allah, pour élever sa parole. Ne les oubliez pas dans vos doha. Les futurs martyrs, Inch'Allah, c'est vraiment des choses qu'on peut faire, nous qui avons décidé de rester ici, nous qui sommes lâches. Et soyez sourds, je vous demande de rester sourds au discours des laïcars qui veulent vous faire douter de la vérité et vous égarer. Ils disent qu'ils sont des terroristes, qu'ils ne sont pas des martyrs, que ceci n'est pas le djihad, que ceci n'est pas l'islam, afin de justifier leur lâcheté. Mais n'oubliez pas ce que le prophète nous a dit. Il nous a dit, il viendra des années trompeuses. Le véridique sera considéré comme menteur, tandis que les menteurs seront crus. L'honnête sera considéré malhonnête, tandis que le malhonnête sera considéré honnête. Et l'ignorant, Al-Rouah Bida parlera à cette époque. On a demandé, qu'est-ce que le roi Bida, l'ignorant, au messager d'Allah? Il, alayhi salatu wasalam, répondit, un homme inconnu qui parlera au nom de l'ensemble de la population. C'est-à-dire les, les savants partisans du mythe de l'islam 2.0, du mythe de l'islam 2.0, pardon, et les savants du palais, les chiens d'Al-Saoud. Donc voilà, frères et sœurs en Allah, que j'aime en Allah, je vous invite à réfléchir, à vous désavouer des informations des mécréants qui sont uniquement là pour vous égarer, pour vous écarter de la vérité, pour vous faire douter de la sincérité de vos frères. Et qu'Allah vous guide à la vérité, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous en fasse une lumière. Amin.